Dead, bullet, bullet. Parce qu'on vient brûler tous les faux bad man, no man, tous les mytho man. Dead. Yes, papa, original revolution, ragamuffin a mission. So, hey, selecta, one diversion, sin. Yes, papa, mytho man, dead in ya, sin. Bullet, bullet. Ha ha ha ha. Yes, papa, on m'a dit que tu mentais. Rien d'autre qu'un sale mytho manté. Écoute ça, bad man, c'est toi qu'on appelle mad man. Tu joues les durs, Hoffman. Dommage que l'on te voit, je le sais, man. Tu me fais rire. Man, stop man, fais pas ça man. Redescends sur terre ou assis sous terre. Tu finis ta carrière, free man. Tu te crois faux mais t'as pas de bol. Tu fais croire que t'as le monopole. T'es qu'un homme de bras déguibale. Moi je trouve ça drôle quand tu joues le Mario. C'est clair, tu joues un rôle. Tu cavales que le digital drôle. Ça m'étonne pas de te voir qu'avec tes soldats. Un vrai faux de col. Écoute ça, Batman. C'est toi qu'on appelle Madman. Tu joues les durs, Hoffman. Dommage que l'on te voit, je le sais man. Tu me fais rire. Man, stop man, fais pas ça man. Redescends sur terre, ou assis sous terre. Tu finis ta carrière, man. Tu parles des quartiers, toi et ton gros. Ça fait pas de quartier, hey, deux secondes. Laisse-moi me marrer tellement je rigole. Je sens des naissances, des rangs. Mets-toi de côté, calme-toi. Il faut rester vrai, je sors des quartiers. T'as pas remarqué, mais pas pour autant que je vais rajouter une vraie claque. T'en as pas mangé, pas encore, ça va arriver. Ne stresse pas, teste pas, me vexe pas. Ou sur toi, je vais décharger. Mais Batman, fais pas ce que tu fais. Mais Batman, ne parle jamais. Il fait son bise à la bout du showbiz. Ton mec te squeeze avec ce que tu es. Écoute ça, Batman, c'est toi qu'on appelle Madman. Tu joues les durs, Roman. Dommage que l'on te voit jamais seul, man. Tu me fais rire, Jokeman. Stop, man, fais pas ça, man. Redescends sur terre, ou assis sous terre. Tu finis ta carrière, folie, man. Mytho, mytho, t'as rien dans le front, mais pas un mytho. Mytho, mytho, tu parles B1, mais roule un vélo. Mytho, mytho, le seul Scarface, c'était pas Dino. Fais pas la race, ne joue pas le show, sinon je te blesse avec le même mot à la pitbull, pitbull. Je calme les chiens sur mon chemin. Je crains des gangs, t'inquiète, ça roule bien quand t'es loin. Devine qui vient, avec un style du quotidien. Hey, quel Luca, Beretta, pas besoin du appelle Madman. Tu joues les durs, Hoffman. Dommage que l'on te voit, je le sais man. Tu me fais rire, Jokeman. Stop man, fais pas ça man. Redescends sur terre, ou assis sous terre. Tu finis ta carrière, man. Tu te crois faux mais t'as pas de bol. Tu fais croire que t'as le monopole. T'es qu'un homme de bras de guibole. Moi je trouve ça drôle quand tu joues le Mario. C'est clair, tu joues un rôle. Tu cavales que le danger te vole. Ça m'étonne pas de te voir qu'avec tes soldats. Un vrai faux de col. Écoute ça, Batman. On appelle Madman, tu joues les durs, Hoffman. Dommage que l'on te voit, je le sais man. Tu me fais rire, Jokeman. Stop man, fais pas ça man. Redescends sur terre, ou assis sous terre. Tu finis ta carrière, funny man.